Chapitre 8e. Se penchant par la fenêtre, Pierrot cria « Tu montes à cheval, Bijou ?» Denise, qui traversait la cour, indiqua de la main sa jupe d'Amazone. « Tu penses que par cette chaleur, je ne m'amuserais pas à me promener avec une robe de drap, si je ne montais pas à cheval ? Où vas-tu ? Pourquoi ?»« Pour que nous allions au-devant de toi, nous deux, Monsieur Giraud, à 11 heures. » Derrière Pierrot se montrait la tête du professeur. Bijou répondit « Je vais au Borderette faire une commission à l'avenue. » Puis, apercevant Giraud, elle dit gentiment « Bonjour, à tout à l'heure alors. » Patatras attendait à l'ombre. Le vieux cocher qui accompagnait toujours Bijou l'a mis à cheval, puis monta à son tour, se disposant à suivre. En le voyant, Pierrot cria encore « Comment se fait-il que pas un de tes cousins ne monte avec toi ?»« Je ne leur ai pas dit que je sortais. »« Ah ! » fit-il avec regret. « Si j'étais libre, moi, comme j'irais avec toi ?» Elle se retourna sur sa selle d'un mouvement souple qui indiquait que rien ne la serrait ni ne la gênait, et répondit en riant « Je ne te le dirai pas non plus !» Dès que Bijou eut passé la grille, elle mit au galop Patatras que les mouches ennuyaient. Elle allait dans l'air chaud, au-devant du soleil qui lui arrivait en face, couvrant de rayons brûlants son joli visage qui ne rougissait pas. Elle ne s'arrêta qu'à l'entrée du sentier qui menait au Borderette, descendant presque à pic et semé de pierres roulantes. Au fond de la petite vallée, très verte en dépit de la sécheresse, la ferme se dressait toute blanche, couronnée de briques, avec l'aspect d'un joujou très neuf. Quand elle fut au bas du raidillon, Bijou tira de sa poche une petite glace et arrangea son voile et les mèches folles qui voltigeaient autour de ses oreilles et de son cou. Elle cueillit dans la haie une touffe de fleurs de mûrier qu'elle mit à son corsage, chiffonna gentiment le mouchoir garni de Valenciennes qui sortait de la petite poche de côté, et reprenant le galop, vint s'arrêter devant l'entrée de la ferme. Une voix enrouée appela « C'est-y que vous êtes là, maître l'avenue ?» Et un petit valet sortit de la maison en disant « Il ne m'entend point que je crée, je vais le quérir !» Un instant après, un grand homme de 35 ans, maigre, blond, un peu voûté, très pur type de paysan normand, apparut soufflant, suant, et si rouge qu'il tournait positivement au violet. « Oh » fit-il, cherchant à reprendre sa respiration. « C'est vous, mademoiselle Denise, c'est donc vous ?» Elle dit en souriant. « Mais oui, monsieur l'avenu, c'est moi. » Il demanda, s'avançant la main tendue. « C'est-y point que vous voulez descendre ?»« Non, merci. Je viens seulement vous faire une commission de la part de grand-mère. C'est pour le déjeuner de la confirmation. » C'est lundi prochain, mais vous devez savoir ça, vous qui êtes mère. Oui, je le sais. Eh bien, grand-mère voudrait avoir ce jour-là de très belles pêches, de très belles poires, enfin, beaucoup de belles choses qui poussent dans le potager des Borderettes. On vous portera tout ça, mademoiselle Denise. Madame la marquise peut être tranquille, ce serait bien choisi. Puis, voyant que la jeune fille faisait tourner son cheval, il dit, la regardant avec une admiration en quelque sorte hébétée, « C'est-y que vous repartez déjà ? Vous ne voulez-y point vous rafraîchir un brin ? Un bol de lait ? C'est que vous aimez tant le bon lait ?» Il ajouta, persuasif, en prenant la bride de Patatras. « Ça fera reposer un brin aussi, le cheval. Qu'est-ce qu'il est bien échou ?» Le langage de maître l'avenue amusait toujours Bijou. Ce grand diable de Normand, émigré en Touraine depuis plus de 10 ans, n'avait rien perdu de son accent primitif. C'était madame de Bracieux, qui, mécontente des fermiers tourangeaux, avait eu l'idée de cette greffe. Jamais Charlemagne l'avenu n'avait fraternisé avec les gens du pays. Il était craint et admiré de ces hommes simples et maladroits qui le voyaient s'enrichir à la place même où d'autres s'étaient ruinés. Il avait peu à peu, en faisant venir du monde de chez lui, transformé les Borderettes en petite Normandie, et telle était sa force qu'il était arrivé, lui, intrus, à se faire élire maire de Bracieux, sautant à pieds joints par-dessus les anciens notables. Voyant que Denise ne répondait pas, il la prit par la taille et la posa à terre en disant « Vous voulez billet, c'est pas ?» Puis donnant le cheval à tenir au cocher, il indiqua la porte en s'effaçant pour faire passer Bijou. Tout de suite, elle dit, l'air aimable « C'est gentil chez vous, monsieur l'avenu. Est-ce que je connaissais déjà cette pièce-ci ? Non, je ne crois pas. » « Vous la connaissez, mademoiselle. Seulement, c'est qu'on l'a reblanchie. « Alors comprenez, ça change. » Elle reprit en souriant. « Quand vous serez mariée, ça sera tout à fait bien. » Maître Lavenu, qui regardait goulûment Bijou, releva sa tête hérissée, la secoua et dit avec un peu d'hésitation « Je ne peux point me décider à donner une maîtresse à la ferme, parce que j'en trouve point une qui m'aille. » Et après un instant de silence, il acheva « Dans celle qu'excès que je pourrais avoir. » « Pourquoi donc ça? Toutes les jeunes filles de Bracieux et de Combes et de tous les villages autour des Borderettes vous épouseraient, monsieur Lavenu, et il y en a de très jolies. » Il répondit, tout rouge, en tortillonnant l'énorme casquette à pont qu'il ne quittait jamais, quelle que fût la saison. « Je les trouve point comme ça. Vous êtes difficile. Vous ne trouvez pas Catherine Lebourg jolie ?»« Non, mademoiselle Denise. » »« Et Joséphine Lacaille ?»« Non, mademoiselle Denise. » »« Et Louise Pâture ?»« Non, mademoiselle. » Elle se mit à rire. « Alors aucune femme ne vous plaît ?»« Si, tout de même, il y en a une. » Elle demanda, attachant sur le paysan son beau regard ingénu, « Laquelle ?» Lavenu devint plus rouge encore, et se baissant d'un mouvement gauche pour ramasser sa casquette qu'il venait de laisser tomber, il balbutia, « Je peux point le dire. C'est point une femme pour moi. » Bijou n'entendit pas sa réponse. La taille cambrée, la tête renversée, elle buvait lentement un second bol de lait. Et le fermier, qui se relevait, resta un instant immobile, les yeux élargis, contemplant cette créature fragile avec une admiration craintive et ahurie, tandis qu'à son visage montaient des bouffées chaudes qui l'étouffaient. Et comme Bijou, qui avait fini de boire, l'examinait en souriant, il dit, essuyant du dos de sa main son front où perlaient d'énormes gouttes de sueur, « Nom de nom, qui fait chaud !»« Je vous remercie, monsieur Lavenu, » fit Denise qui se leva. « Votre lait était exquis. » Il demanda, l'air malheureux. « Et comme ça, c'est que vous partez déjà ?»« Comment déjà? Mais il y a au moins un quart d'heure que je suis chez vous. » Il balbutia. « Il m'a point paru long, ce quart d'heure-là. » Et d'une voix très basse. « Je vous remercie bien, mademoiselle Denise, l'honneur que c'est que vous m'avez fait. Je l'oublierai point, pied sûr. » Bijou avait, en se levant, fait tomber le petit bouquet de son corsage. Comme elle regardait vers la porte pour voir si les chevaux étaient là, le paysan, d'un mouvement rampant, allongea vers le sol son grand corps noueux et s'empara des fleurs qu'il fit rapidement disparaître dans l'ouverture de sa blouse. Le domestique allait mettre pied à terre pour aider Denise à remonter à cheval. Elle lui fit signe de ne pas bouger. « Monsieur Lavenu me remettra bien à cheval, il est très fort. » Elle avançait son pied, prête à le poser dans la main du fermier, mais il ne lui en laissa pas le temps. La saisissant des deux mains par la taille, il l'appuya un instant contre lui et la posa bien au milieu de la selle. Elle dit, stupéfaite, « Ah bien, quand je le disais que vous étiez fort, comment avez-vous pu me poser comme ça, à bout de bras sur mon cheval qui est si grand ?» Puis, comme il restait sans parler, les yeux voilés, respirant avec effort, elle conclut, « Là, vous voyez, c'était trop lourd. Vous êtes tout essoufflé. » Sans lui laisser le temps de répondre, elle partit en disant « Au revoir et encore merci !» Au moment de sortir de la cour, elle se retourna pour crier au fermier resté piqué à la même place, immobile, les bras ballants. « N'oubliez pas les pêches et les poires de grand-mère, monsieur Lavenu !» Puis elle regarda sa montre. Il était 11h05. Elle avait le temps de rentrer sans se presser. Il fallait laisser à M. Giraud et à Pierrot le temps de venir au-devant d'elle. La récréation ne commençait qu'à 11h. En traversant un village, elle cueillit à une grosse touffe de clématite qui retombait par-dessus le mur du cimetière un bouquet pour remplacer celui qu'elle avait perdu. Puis, quand elle se retrouva seule dans la campagne, elle prit de nouveau la petite glace et ébouriffa gentiment ses cheveux qui, à présent, ne frisaient plus assez, aplatis par la chaleur. À 11h30, ne voyant pas arriver ce qu'elle attendait, un peu d'impatience lui vint et elle mit au galop Patatras, qui, très veule, s'arrêtait, voulant à toute force brouter les haies. Soudain, son joli visage joyeux prit une expression sérieuse, presque triste. À ce moment, elle était dans un petit pré qui longeait le bois. Une voix cria « Hé, Bijou, c'est comme ça que tu nous brûles ?» Elle s'arrêta court, l'air surpris, et revint sur ses pas. Pierrot et M. Giraud, étendus à l'ombre, se levaient, laissant dans l'air foulé la marque de leur corps. « Comment? C'est déjà vous ?» dit-elle. « Je ne croyais pas vous rencontrer si loin. À quelle heure êtes-vous donc parti ?» Pierrot répondit « Un peu avant l'heure. » Et malicieux, il ajouta en louchant sur son professeur « M. Giraud a été un amour. il a lâché un peu plus tôt, sans que je sois obligé de beaucoup le prier. Et à présent, si nous voulons être à Brassus à midi, nous pouvons nous tirer les pattes. » Il marchait à côté de Bijou. Elle demanda, s'adressant à Giraud, « Êtes-vous remis de votre soirée d'hier ?»« Remis, » fit le jeune professeur. « Pourquoi remis ?»« Parce que vous n'avez pas dû vous amuser. » « Monsieur de Tourville et Monsieur de Jusancourt vous ont successivement bloqué dans les coins pour vous raconter l'un que Charles de Tourville s'était embarqué avec Guillaume le Conquérant en 1066, l'autre qu'un Jusancourt avait en 1477 combattu Charles le Téméraire sous les murs de Nancy. Est-ce vrai ?»« Très vrai. » Et Monsieur de Jusancourt ajoutait qu'il n'y avait dans sa famille que du sang bleu. Je n'ai pas bien compris pourquoi il me racontait ça. Pour vous montrer que, tracé nettement depuis 1477 seulement, mais sans la moindre mésalliance, les Jusancourt sont plus respectables que les Tourville. Ah. Oui, Monsieur de Tourville a épousé une demoiselle très bien, mais qui s'appelle Chaillot, et dont le père est à la bourse. Vous voyez que, côté Tourville, si c'est plus ancien, c'est moins pur. Vous faisiez une si bonne figure en écoutant tout ça. J'aurais bien ri si vous n'aviez pas eu l'air si malheureux. Ce n'était pas l'embêtement causé par les racontars Tourville et Jusancourt qui lui donnaient cet air-là, fit observer Pierrot. Depuis quelque temps, il est toujours comme ça, même avec moi. Et je te promets que, pourtant, je ne l'accable pas de racontars sur Charles le Téméraire, ni sur Guillaume le Conquérant. Bijou dit en riant, « J'en suis convaincu. » Pierrot protesta. « Mon Dieu, c'est pas l'embarras. Je pourrais bien, mais zut !»« Zut, encore ?» fit d'un ton de reproche le jeune répétiteur ennuyé. « Vous savez que M. de Jonzac déteste cette façon de parler. Il voudrait vous voir plus châtié, plus correct de langage. »« Bon, s'il causait avec mes camarades, il en entendrait bien d'autres, papa, et il s'y ferait tout de suite. C'est toujours comme ça, affaire d'entraînement. » « Je ne vois pas très bien, » dit Bijou, l'oncle Alexis s'entraînant à causer avec tes camarades. Tout en parlant, elle s'arrêta, indiquant quelque chose sous bois. « Oh, le beau sorbier! Est-il rouge? Comme c'est joli, ces grappes! »« En veux-tu du sorbier ?» proposa Pierrot. « Je veux bien, il est si beau. » Le gamin entra dans le taillis. On entendit craquer les branches qu'il brisait sur son passage, et bientôt la tête rouge de l'arbre oscilla, balancé, s'abaissant et se relevant en de brusques secousses. Bijou, la tête inclinée, le regard perdu, semblait rêver, oublieuse de ce qui se passait autour d'elle. La voix de Pierrot criant « Faut-il en cueillir beaucoup ?» la fit tressaillir. Timidement, Giraud, qui caressait avec douceur l'épaule de Patatras, demanda « Vous n'avez aucun ennui, mademoiselle ?»« Moi ? Mais non, pourquoi ?» « Parce que vous paraissez un peu différente de vous-même, un peu triste. » Elle dit avec un sourire forcé, « Triste, moi ?»« Oui, tout à l'heure, quand vous avez passé devant nous sans nous voir, vous paraissiez triste, très triste, et maintenant encore. »« Tout à l'heure, c'est possible, oui, je n'étais pas gai. Mais à présent, je n'ai aucune raison de ne pas l'être. Au contraire, je me sens si bien ici, dans cette prairie de velours, sous ce beau soleil que j'aime tant. » Elle acheva, sans s'occuper du jeune homme, parlant comme dans un rêve. « Oui, je suis bien. Je voudrais rester ainsi toujours, toujours. » Elle posa contre ses lèvres fraîches le petit bouquet de clématite avec lequel elle jouait depuis une minute, puis elle le remit à son corsage, sans voir la main que Giraud tendait passionnément vers les pauvres petites fleurs, fanées déjà. Pierrot sortait du fourré, portant une énorme botte de sorbier. Bijou, qui avait repris sa mine souriante, le remercia. « Tu es gentil, mon Pierrot, d'autant plus que tu vas avoir la peine de porter ça pendant encore un kilomètre. »« Bon, pour te faire plaisir, je ferai des choses bien plus embêtantes. »« Tu es un bon Pierrot. »« C'est pas que je suis bon. » Il s'approcha plus encore, frôlant le cheval, et acheva très bas. « C'est que je t'aime. » Bijou ne répondit pas. Au bout d'un instant, Pierrot reprit « « Est-ce que tu as bien chanté hier soir, n'est-ce pas, Monsieur Giraud ?»« Merveilleusement, » dit le professeur. « Et quelle jolie voix, si pure, si fraîche. Ah, je comprends maintenant ce que je ne comprenais pas hier. »« Quoi donc ?»« La puissance infinie de la voix ?»« Oui. » »« Avant de vous avoir entendu, j'ignorais ce que je connais bien à présent. »« Vous chanterez encore, n'est-ce pas, mademoiselle ? » quand je pense que depuis 3 semaines je suis au château, je n'avais pas encore eu le bonheur de... Je vous donnerai ce bonheur-là tant que vous voudrez. » Elle plaisantait maintenant. La petite créature de rêve de tout à l'heure était redevenue Bijou. En approchant du château, elle mit sa main au-dessus de ses yeux et dit « Qu'est-ce qu'il y a donc ? Le perron a l'air noir de monde. » Pierrot répondit avec humeur « Parbleu, c'est eux tous qui te guettent. Voilà Paul, voilà Henri, et M. l'abbé, et l'oncle Alexis, et Bertrade. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as raison, il y a d'autres gens. Ah, c'est le père du Buisson. Et Jeanne. Et puis il y a encore un monsieur que je ne connais pas. Un monsieur tout en noir. Bah, il faut qu'il soit bien frileux pour venir à la campagne en noir par une chaleur pareille. » Bijou dit, « C'est peut-être monsieur Spiegel, le fiancé de Jeanne. On devait nous l'amener. » « Oui, ça doit être ça. » « Dis donc, il n'a pas l'aspect folichon, le fiancé de ta Jeanne. » « Elle non plus, d'ailleurs. » Bijou s'était retourné pour voir ce que devenait Giraud, qui ne disait plus rien. Il suivait la jeune fille, l'adorant comme une idole. À ce moment, tandis que Pierrot, très occupé, regardait dans la direction du château, le petit bouquet de clématites se détacha du corsage et vint rouler aux pieds du professeur. Vivement, il le ramassa et le glissa dans son portefeuille, après l'avoir baisé avec une sorte de dévotion passionnée. Derrière lui, silencieux et correct, le vieux cocher se mit à rire.